Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le 6 février 1934, à Paris, premier volet d'une série qui va nous emmener jusqu'à vendredi, tout au long d'une décennie qui montre en France, avec une belle constance, ce qu'on pourrait appeler l'esprit de résistance. Un constat d'abord, pas d'histoire sans date charnière. Certaines s'apprennent en primaire, 1515 et Marignan, 1815 et Waterloo. D'autres s'enseignent au lycée, plus thématiques, sur des périodes précises, des décennies, voire plus. Certaines dates font l'unanimité, mais d'autres sont encore discutées, voire polémiques, comme celle du 6 février 1934, dont nous allons parler aujourd'hui. S'agit-il du premier événement majeur d'un cycle qui commence par une tentative de coup d'État et se termine comme une très mauvaise opérette à Sigmaringen en Allemagne, ou comme le dit l'universitaire René Raymond, une simple manifestation de rue que l'histoire aurait très vite effacée de la mémoire collective si elle n'avait pas fini tragiquement. L'affaire est sensible. Alors, pour que vous vous fassiez une opinion, nous allons vous raconter les journées du 4, 5, 6 jusqu'au 12 février 1934 à hauteur d'homme. Notre invitée aujourd'hui, Noéline Castanier, professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, BNF et Retro News, un récit documentaire de Bertrand Rottet, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay, à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 4 février 1934, 10h, immeuble de l'Action française, le journal des royalistes, 1 rue du Bocador, 8e arrondissement. Hervé est à son bureau. Il attend. La copie est en retard. Les autres secrétaires de rédaction travaillent déjà sur leur page. On lui a donné, lui, la responsabilité de la une, celle des grandes signatures du journal. Il regarde la grosse pendule. Plus que 2 heures pour relire, éliminer les fautes d'orthographe, calibrer, couper. Ensuite, il devra foncer au marbre pour donner les instructions au typographe. Depuis janvier, le début de l'affaire Stavisky, c'est la folie au journal. Le soir, c'est manifestation et souvent baston avec les forces de l'ordre. Espérons que le patron du journal annoncera demain 100 000 exemplaires vendus. Quel coup de maître, cette affaire politico-financière. D'une grosse escroquerie en province, l'Action française, le journal des royalistes, est arrivé à faire un scandale d'État. Un nègre fin, multirécidiviste et proche des radicaux se fait prendre. L'Action française titre « Abat la voleur et la République vacille ». Les radicaux sont conspués par tous, la valse des ministères s'accélère, la dynamique est là, la gueuse, comme l'extrême droite appelle la République, est en train de sombrer. Le jeune journaliste royaliste joue avec le crayon qu'il vient de tailler pour la 2e fois. Dans 2 minutes, il ne restera qu'1h50 pour tout faire, qu'il se dépêche. « 17h, appartement de Georges, 66 rue de Belleville, 20e arrondissement. La réunion vient de se terminer. Au revoir, bonne semaine Jacqueline. Merci encore de votre hospitalité. Serge, n'oublie jamais de saluer la maîtresse de maison. » Et derrière la porte, il crie « Tu nous tiens au courant, hein, quand tu en sais plus, Georges ?» Oui, oui. Bien, rendez-vous à l'opéra, comme d'habitude. Ils iront tous à la manifestation. Tous les copains étaient d'accord. Même André, pour une fois. Il n'aurait pas dû toucher à notre traite, dit-il. Georges leur transmettrait les consignes de l'Union dès qu'il les aurait. Il aime bien cette atmosphère, Georges, ce rituel, cette bienveillance de frères d'armes, cette solidarité d'anciens combattants. Tout le réconforte. Dans le petit appartement de Ménilmontant, les dimanches après-midi, il invite les Parisiens de la section du 46e régiment d'infanterie, 2e compagnie, 1ère section. Toute une histoire. Ils sont ceux de ceux qui ont tout vécu de cette première guerre d'extermination qu'était celle de 14-18. La Marne, Vauquois, le chemin des Dames, Noyon. Selon les dimanches, ils sont de 3-6 dans la cuisine le temps d'un café. Ils ont pris cette habitude quelques mois après leur démobilisation. Alors, ils refont leur guerre, ils évoquent les disparus, et de plus en plus, ils parlent politique. La réunion avait toujours eu lieu chez Georges, parce qu'à l'époque, il était le mieux logé à rue Mellet, au-dessus de l'atelier. Mais la crise avait été fatale à l'entreprise. En 1931, les 2 derniers salariés étaient licenciés, il a fallu tout brader, l'atelier de ciselure, l'appartement et le piano à queue. Depuis la crise de 29, les temps sont durs pour tout le monde. Serge a dû se débarrasser de l'une de ses vendeuses et d'un ouvrier. Ils ne sont plus que quatre dans sa boulangerie, y compris sa femme. Mais le plus à plaindre, c'est André. Lui, il n'a jamais retrouvé travail stable. Il ne dit rien, mais il se serre la ceinture pour nourrir ses quatre mômes. Ils iront rejoindre le cortège de l'UNC. Il y a quelques années, quand ils ont décidé de devenir membres d'une association d'anciens combattants, le choix de l'Union nationale des combattants a été vite fait. D'ailleurs, le frère d'André, le garde républicain, était membre de l'UNC et il en était très content. ...17h, kiosque à journaux, place de la République, 10e arrondissement. Devant la bouche du métro, Louis lit l'humanité en souriant. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, les camarades. Il se trouve que Jean Chiappe, le préfet de police de Paris, un proche de l'extrême droite, est révoqué par le gouvernement Daladier. Chiappe est débarqué. La nouvelle a flambé hier soir comme une joyeuse traînée de poudre à travers les faubourgs et les banlieues. Ça a été long, ça a été dur, disaient les copains. Mais on l'a eu, Jean Fesse. Les ouvriers de Paris et ceux de toutes les grandes villes de France, de Marseille, où nous manifestions encore avant-hier, exigeaient que Chiappe fût chassé. Le scandale était trop flagrant, la colère ouvrière trop forte. Le Populaire, le journal des socialistes, lié à la police par tant de services et de scandales, n'en parlait pas ou mettait la sourdine. Seul l'Humanité, le grand journal de combat des travailleurs, avait exprimé et alimenté la colère des masses. Il faut dire que les ordres de Moscou sont formels. Il ne faut faire aucune concession aux sociotraîtres. ...5 février 1934, 9h, caserne Napoléon, 1er arrondissement. De son bureau à travers la vitre, le capitaine Favre voit ses sections se rassembler. Le carré se forme, il donne un coup d'œil à l'œuvre. En page 4, il y a un portrait très succinct du nouveau préfet. Monsieur Bonnefoy-Cibourg, le nouveau préfet de police, est né le 23 octobre 1881 à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard. Il est docteur en droit. Le 27 septembre 1907, sous-préfet de Grès. Le 17 janvier 1914, sous-préfet de Béthune. Le 19 novembre 1918, préfet de l'Aisne. Enfin, le 12 octobre 1922, il était nommé préfet de Seine-et-Oise. Monsieur Bonnefoy-Cibourg est officier de la Légion d'honneur. Rien ne montre pour l'instant que ce monsieur Bonnefoy-Cibourg est taillé pour la fonction. On verra ce soir ou demain, car il va falloir qu'il aille sur le terrain, le préfet, et ça risque d'être chaud. D'ailleurs, pourquoi ont-ils viré Chiappe ? Favre a vraiment du mal à comprendre. Il regarde de nouveau à la fenêtre, ses troupes ne sont pas encore au complet. Parce que cet après-midi, c'est repos, et demain, il faudra défendre l'Assemblée nationale, sans Chiappe donc. Le nouveau préfet connaît la difficulté de l'exercice et la confiance que Chiappe inspirait dans les deux camps. À lire son journal, il sait aussi que le nouveau préfet est complètement étranger aux problèmes de maintien de l'ordre, comme il le dira à la commission d'enquête parlementaire. La compagnie est au complet. Le capitaine sort, il est tendu, ça se voit, ça se sent. Ses hommes le connaissent bien. Il remarque cette manière si particulière de mettre ses mains dans le dos et de marcher d'un pas encore plus saccadé. Et le discours est très solennel. Je sais votre fatigue. Depuis un mois, nous sommes sur la brèche. Cela fait beaucoup. Et demain, la journée risque d'être très violente. Le préfet a demandé qu'on enlève les grilles de fonte en bas des arbres. On va faire retirer tous les objets qui peuvent servir de projectiles. ...12h16, 5 février, cantine des ouvriers, entreprise Citroën, quai de Javel, 15e arrondissement. Il n'y a plus qu'une place à table, celle en face de Corentin. Louis n'a pas le choix, voilà le communiste et le croix de feu, l'internationaliste et le nationaliste, assis l'un en face de l'autre. C'est Corentin qui ouvre le feu. Alors, Staline a-t-il bien dormi ? Ah, arrête ton char, aujourd'hui le problème c'est Hitler, ton copain Hitler. Le nationaliste répond du tac au tac, rien à foutre d'Hitler. Et si par hasard il nous cherche des poux et qu'il a envie de se défouler en France, on va en remettre une deuxième. Nous, on prend pas nos ordres d'Hitler. Tu comprends ça ? Malgré les propos tendus, il n'y aura pas de dérapage. Bon, ils se connaissent depuis 1920. 16 ans sur la chaîne des Rosalie avec la C4, la C5, la C6, ça crée des liens. Et puis, ce sont deux anciens combattants, deux de la BIF, de l'infanterie, deux des tranchées, deux de Verdun. Alors, pour le plaisir, Louis continue un peu à sticoter Corentin. Alors, comment vous allez faire sans votre protecteur? Fini votre préfet, plus de copains. Et t'avais où il s'est réfugié? Dans le palace de Stavisky, pas mal, non? Corentin est surpris. Non? C'est pas vrai. Bah, si c'est dans l'Humanité ce matin, hein, regarde, c'est que c'est vrai. Louis sort de son bleu travail le journal de Jaurès et le temps à Corentin, tout de suite accroché par la une. Chiappe toujours libre, complote et provoque. Le préfet de la Seine-Renard démissionne par solidarité. La bataille continue avec acharnement entre clans bourgeois autour de la préfecture de police de Paris. Ce n'est pas seulement sur un nom qu'on se bat, mais surtout sur une question de méthode. Par quelles voies et moyens la bourgeoisie peut-elle arriver à résister à la formidable vague révolutionnaire qui monte contre le régime? Grève limitée encore, mais où les chocs avec la police sont violents. Lutte commune des ouvriers communistes, socialistes et sans parti contre les bandes fascistes. Dans toute la France, c'est le mécontentement des soldats, particulièrement de la garnison de Paris. Tout cela constitue les premières vagues qui annoncent la tempête. Corentin est admiratif du journal de l'adversaire. C'est toujours de la dynamite. Attends, l'info clé est là. Et de son doigt, Louis cherche dans la troisième colonne. Là. D'accord, Corentin lit. Chiappe, réfugié dans le palace de Stavisky au Claridge, prend ses contacts et lance aux journaux ses ordres d'attaque qui résonnent des débats à l'ami du peuple, du Figaro à l'Écho de Paris. Corentin n'a pas le droit de le dire, mais en tant que cadre, il sait très bien que les croix de feu vont entrer dans la danse. Jusque-là, ils n'ont pas participé aux événements de janvier. Leur chef, le colonel Delaroque, ne voulait pas se retrouver dans ces échauffourées puériles, disait-il, et s'emporter. Février 1934, début de la manifestation. Personne ne peut ignorer que la soirée risque d'être musclée. 7 heures, kiosque à journaux, place de la République, 10e arrondissement. En route pour l'usine, comme d'habitude, André achète l'UMA au kiosque, place de la République, juste avant de s'engouffrer dans le métro. L'appel est clair, même si le titre n'occupe que deux colonnes du journal. Aux usines, aux chantiers, dans les gares, manifester. L'injonction est claire. Le verbe seul, manifester, occupe tout le bandeau du titre. Au centre du journal, avec quasiment la même mise en page que l'Action française, le journal du PC demande à ses anciens combattants de se réunir tous, à 20h, au rond-point des Champs-Élysées. L'Association républicaine des anciens combattants se rendra à cette manifestation avec toutes ses forces de la région parisienne, mais pour d'autres buts. Elle entend protester de la façon la plus énergique contre le régime du profit et du scandale, en même temps que contre son mandataire, le gouvernement de M. Daladier, auteur de la révision des pensions. Elle entend manifester toute sa colère contre ce même gouvernement qui, pour renforcer sa politique impérialiste de guerre, prétendait, en guise de sanction, donner la résidence générale du Maroc à Chiappe, complice avéré et protecteur de Stavisky. Elle entend exiger l'arrestation de Chiappe. Louis et Corentin, le communiste et le croix de feu, vont défiler ensemble. Pas pour les mêmes motifs, mais quand même ensemble, pour défendre leurs droits acquis et imposer l'arrestation de tous les corrompus, de tous les voleurs. Février 9, caserne Napoléon, 1er arrondissement. Dans son bureau à la caserne, le capitaine Favre lit l'œuvre. Il aime bien le journal, car il n'en rajoute pas. Le boulot est fait, bien fait, l'info est là. Une journée qui s'annonce agitée. Les organisations de droite s'efforceront ce soir de provoquer des troubles. Des mesures énergiques ont été prises par le gouvernement pour maintenir l'ordre dans la rue. Les partis d'ordre manifestent aujourd'hui, et les partisans de l'ordre dans la rue. C'est-à-dire les camelots du roi, les jeunesses patriotes, les croix de feu, les anciens combattants de l'UNC, la Ligue des contribuables, les amis des conseillers municipaux de droite. Des points de rassemblement sont fixés, le Grand Palais et la place de l'Hôtel de Ville. La première info lui paraît fiable. La soirée sera agitée, il va y avoir du monde, beaucoup de monde. Pratiquement toutes les ligues seront là. On frappe. Entrez. L'estafette salue, tend le pli à Favre, qui décachette, lit et s'adresse à son adjoint qui vient de passer la tête par la porte. La compagnie doit défendre au plus près la chambre. On sera de réserve au pont de la Concorde. Midi, retour dans l'immeuble de l'Action française, le journal est royaliste, 8e arrondissement. Hervé a composé la première page. Le journal appelle ses lecteurs à se réunir devant la chambre des députés. Parisiens, appelés au pouvoir pour faire la justice et l'ordre, messieurs Daladier et Fraud, à peine ministres, ont révoqué le gendarme pour donner carrière à l'anarchie socialiste et sauver les voleurs francs-maçons. Pour nous faire accepter ce retour au régime abject, pour étouffer la voix de l'indignation publique, messieurs Daladier et Fraud adressent aux honnêtes gens les menaces violentes que leur dictent la mauvaise conscience et l'effroi. Ils prétendent faire marcher la France. Pour qui prennent-ils les Français ? Exerçant le droit qui leur appartient dans la défaillance des pouvoirs publics corrompus, les Français relèvent cet ignominieux défi. Ce soir, à l'heure de la sortie des ateliers et des bureaux, ils se rassembleront devant la Chambre au cri de « À bas les voleurs !» pour signifier au ministère et à ses soutiens parlementaires qu'ils en ont assez de ce régime abject. Évidemment, Hervé et les différents salariés du journal sont conviés. Sensible, Fabrice Drouel. 6 février 1934, 17h45, il fait nuit. Métro Opéra, 9e arrondissement. Les syndicalistes de l'Union nationale des combattants du 46e régiment d'infanterie se sont donné rendez-vous Métro Opéra. Serge est arrivé le premier, c'est comme ça, il est toujours le premier. Georges la rejoint en bas des marches. Et ça pousse derrière dans la station. Tout le monde veut sortir. Il y a du monde, beaucoup de monde. Dehors, on entend les clameurs, démission. Parfois, ça crie « À bas Daladier, vive Chiappe !» Un groupe hurle « À la Seine !» Et d'un seul coup, un gros contingent chante la Marseillaise. Georges regarde sa montre. Il est où, André ? Je sais pas. T'as entendu pour les chars ? C'est pas possible qu'il y ait des chars. C'est des conneries, ça, des rumeurs. Il mettrait 3 jours à venir de Saint-Thory. T'es sûr? Ah oui, évidemment. Tiens, là, André. Toujours en retard. Ça y est, l'équipe est au complet. 6. Direction le rond-point des Champs-Élysées. Il décide de passer par la Madeleine. Boulevard de Sébastopol, 9e arrondissement, défilé communiste. Louis est trop petit. Le communiste ne voit pas grand-chose. C'est la 3e fois qu'il recule, parce que devant, ça chauffe. Ses camarades hurlent « Les soviets partout, les soviets partout !» février 18h15, pont de la Concorde, 6e arrondissement, gare républicaine. Le capitaine Favre cherche à comprendre. Très reconnaissable parmi les uniformes avec son chapeau et sa tenue civile, sur le pont, il voit le préfet avec son patron, le colonel Simon, le commandant de la Légion de gendarmerie de Paris. Et l'ordre est clair. Tenir la tête de pont, empêcher par tous les moyens l'accès à la Chambre des députés. Ça va être son tour, Favre. Il a donné les ordres à ses chefs de section. Sa compagnie est prête. Les deux grosses lances à incendie des pompiers crachent de l'eau gelée sur les manifestants. Devant, à quelques mètres, ça gronde, ça pousse, ça se bat. En quelques minutes, c'est déjà cela, le quatrième policier blessé que l'on dirige vers la chambre. Quatre civières qui traversent les rangs des gardes. Ce n'est ni bon pour la sérénité, ni pour le moral des troupes. Plus loin, la place de la Concorde est illuminée de becs à gaz arrachés. On dirait des chalumeaux. Une escouade de la garde républicaine revient d'une charge. Et il n'y a pas assez de place pour tous les chevaux. Il va falloir sortir avec eux. Desserrer les taux, a dit le commissaire. Devant, des policiers reçoivent des pavés et des morceaux de fond âgés continus. Ça y est, les cavaliers font demi-tour. Ils sont prêts à repartir. Du haut de son cheval, l'adjudant en chef se baisse vers le capitaine. On va y aller. C'est vous qui suivez? Oui. Eh ben, on y va. Alors il donne l'ordre à ses cavaliers qui s'élancent et font 10 mètres sur la place. L'arrêt est brutal, la pluie de projectiles est trop dense. Un cheval se cabre, il n'arrive pas à désarçonner son cavalier, mais c'est limite. D'un seul coup, le capitaine Favre entend des coups de feu. Ça vient du pont de la Concorde. Personne ne sait qui a tiré le premier. février, nuit noire, seul l'éclairage public illumine la place. À bord du pont de la Concorde, 8e arrondissement. Corentin faut ses compagnies à ses amis, les croix de feu. Le nationaliste veut en découdre. Il a apporté des billes d'acier, de l'atelier, des gros calots et des roulements des camionnettes Citroën. Il en a une petite trentaine qui déforme ses poches. Et il vient d'en lancer une à toute volée sur un gardien de la paix qui la prend dans la cuisse et qui hurle. L'ouvrier fait partie de la trentaine de téméraires qui s'approche de l'une des deux lances à incendie du pont. Par ce froid, l'arme est très efficace. Son eau glacée tient à distance les manifestants. En surplomb du jardin des Tuileries, les badauds et les manifestants regardent la scène. Ils hurlent à la chambre, suce au gardien. Dans un ultime assaut, le voisin de Corentin, Hervé, le jeune correcteur de l'Action française, se saisit de la lance des pompiers et la retourne contre les forces de l'ordre. Surpris par l'audace et la violence de la contre-attaque des manifestants et le froid du jet, la police se replie derrière la première barricade d'autocars garée en épi. Et tout se passe très vite. L'un des derniers gardiens de la paix à se replier a sorti son arme. Il se retourne et tire à deux reprises. Malgré le contre-jour, Corentin a tout vu. L'un de ses camarades d'émeute tombe, un autre se casse en deux. Dans la panique, plusieurs policiers ouvrent le feu. Devant la violence de la réponse policière, le groupe de manifestants abandonne la lance. h 45, 6 février, 8e arrondissement, rue Royale, direction le rond-point des Champs-Élysées. Georges et ses 6 compagnons sont en retard, mais ils ont décidé de couper par la Concorde pour aller rejoindre les camarades de l'UNC au rond-point des Champs-Élysées. Ils ont bifurqué par la rue Royale pour couper dans les jardins des Champs-Élysées. La rue Royale donne sur la place de la Concorde. Les 6 amis découvrent alors progressivement les scènes de violence. Au croisement, ils s'arrêtent net. Ils se retrouvent 17 ans plus tôt au front lorsqu'ils faisaient partie de la 2e vague dans le secteur du chemin des Dames. Ils entendent les détonations face à eux vers le pont de la Concorde. Ces anciens combattants savent faire la différence entre les bruits des balles et les pétards des manifestants. Tous les becs à gaz sont arrachés. Des chalumeaux de lumière illuminent la place. Par-ci, par-là, des ombres avec ou sans uniforme courent dans tous les sens. Un autobus brûle, illuminant de temps en temps l'obélisque de Louxor. Le temps d'un flash, juste devant eux, un manifestant lance un objet sur les chevaux des gardes mobiles. Le même geste que celui du lancer de grenade, un mouvement circulaire, avec la même force. Sur l'autre trottoir, des civils aident des blessés à se replier vers la Madeleine, quelquefois poursuivis par des forces de l'ordre. Les anciens se faufilent devant la façade du Crillon pour rejoindre les jardins des Champs-Élysées. Georges croise un copain du NC. C'est quoi les consignes? Vous êtes en retard, c'est fini, on rentre chez nous. On n'a rien à faire ici, on n'est pas venu faire la guerre. « 19h, 6 février, place de la Concorde. Le capitaine et l'adjudant-chef en ont vite convenu. Hors de question de rentrer tout de suite au pont. Il faut à tout prix éviter de prendre une balle perdue. Alors, que faire? Il n'y a aucun endroit où se replier. Pendant une demi-heure, les deux unités errent sur la place. L'adjudant-chef charge quand les manifestants se montrent trop agressifs. Il connaît son travail. Malgré la situation, son peloton est toujours au complet. » Mais sans ennemis identifiés dans le chaos de la place, ces courses sont trop courtes pour chasser les insurgés à plus de 10 mètres. L'exercice est sans fin et les répits de courte durée. Pour le capitaine Favre, il est difficile de rester au contact avec le peloton. Ses hommes suivent de plus en plus difficilement les cavaliers. Les courses derrière les chevaux sont épuisantes pour les gendarmes en tenue d'hiver. Dans une situation de plus en plus confuse, les affrontements vont ainsi durer une grande partie de la soirée. Georges et ses amis vont regarder les échauffourées en bas d'eau. Hervé va être blessé quand une seconde fois, les manifestants tenteront de forcer le pont de la Concorde et que les forces de l'ordre feront usage de leurs armes. En tout cas, l'événement est sans précédent dans l'histoire de la Troisième République. La manifestation est sanglante. Si l'on additionne les blessés décédés dans les semaines suivantes, le bilan est de 31 victimes, 31 morts. Pour la première fois sous la Troisième, un gouvernement démissionne sous la pression de la rue. Daladier se démet le lendemain. Un ministère d'Union nationale, essentiellement composé de parlementaires de droite, est constitué. Reste la question de fond. La République a-t-elle résisté à un coup d'État fasciste? Il est difficile de répondre. Une chose est certaine, les deux plus grandes organisations refusent l'affrontement. Les cortèges des Croix de Feu et celui de l'Union nationale des combattants se disloquent très vite. Leurs deux leaders, le colonel Delaroque et Georges Lebec, refusent le coup de force. À titre collectif, les gros bataillons vont refuser aussi de participer au coup d'État. L'essentiel des morts se compte parmi les petites organisations. Il y en a 20 parmi l'Action française, 2 parmi la Ligue des Jeunesses Patriotiques et 2 parmi Solidarité. Ces organisations peu structurées, plus jeunes, ont-elles reçu des ordres pour passer à l'action? Rien n'est moins sûr. Dans tous les cas, l'efficacité n'était pas dans leur camp, car il n'y a qu'un mort parmi les forces de l'ordre. Comment maintenant expliquer cette violence? Peur, effet de contagion, provocation de quelques-uns, volonté délibérée. Qui a tiré le premier? Les manifestants ou les forces de l'ordre? D'où viennent les ordres d'ouverture du feu du nouveau préfet? Des commissaires, ou d'officiers ou d'initiatives individuelles? Ni les historiens, ni la commission parlementaire n'ont jamais pu trancher sur ce point. Et pourtant, pour les forces républicaines, le 6 février est perçu comme une tentative de coup d'État des Ligues et la réaction républicaine est quasi immédiate. La SFIO, le PS de l'époque et les radicaux assimilent très vite le 6 février à la marche sur Rome de Mussolini. Pour réagir, une grande manifestation commune est décidée pour le 12 février. Le Parti communiste s'y associe. Mais encore une fois, les directions politiques des partis et des syndicats souhaitent que chacun organise son défilé. À la fin de la manifestation, la base va en décider autrement. Les manifestants de la CGT, alors proches de la SFIO, et ceux de la CGT proches du PC, vont fusionner leur défilé. Cet événement est considéré comme le début d'un front populaire contre le fascisme, comme en témoigne le discours de Léon Blum à la fin de la manifestation. Il ne laissera pas toucher à la République qui est son bien. La preuve est faite. La preuve est faite. Soulevée tout entière, Paris, rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qui ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Sur le long terme, une nouvelle dynamique est lancée. L'international communiste décide de changer de stratégie. Le Comintern abandonne la lutte classe contre classe, où les réformistes sont considérés comme des social-fascistes, l'aile gauche du capitalisme qui trompe les classes populaires. Conscient de son erreur criminelle en Allemagne, où les communistes n'ont pas fait front avec les socialistes contre le nazisme, conscient qu'une nouvelle stratégie contre le fascisme est indispensable, les communistes proposent une stratégie de front populaire. En mars 1934 est ainsi créé le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, sous le patronage de l'ethnologue Paul Rivet pour la SFIO, du philosophe Alain pour les radicaux, du politicien Paul Langevin pour les communistes. Cette dynamique va se terminer par l'élection d'une assemblée de front populaire, socialiste, de gauche, au moment où tant de pays européens ont basculé dans le fascisme, et dans la perte de discours rationnel, comme aux États-Unis et en Russie. Reste que la matrice du 6 février 1934, c'est la crise économique de 1929, qui entraîne une précarisation de certains groupes sociaux qui s'expriment par la violence ou par des votes extrêmes. L'histoire ne repasse pas les plats, disait Céline. Disons qu'elle a tendance à remettre le couvert. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gavis, la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les morts de faim. C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, la jeune garde. Nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous saurons vaincre ou mourir. Nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain, tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, vous les sabreurs, les bourgeois, les gabis, la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les morts de faim, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, la jeune garde. Nous ne voulons plus de guerre, car nous aimons l'humanité. Tous les hommes sont nos frères, nous clamons la fraternité. La République universelle, empereurs et rois tous au tombeau. Tant pis si la lutte est cruelle, après la pluie le temps est beau. Prenez garde, pour les sabreurs, les bourgeois, les gavis, la jeune garde, qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les morts de faim, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre les coquins. Prenez garde, la jeune garde. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le 6 février 1934, à Paris, dont nous allons parler avec notre invitée Noéline Castagnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Orléans. Je vous posais une première question que je dois un peu contextualiser. L'immunité de la France envers le fascisme. Un demi-siècle de polémiques historiennes. Parce que les universitaires français, tout particulièrement René Raymond, ont longtemps nié la possibilité de l'existence d'un fascisme français. Et ce, en dépit de l'évidence que constitue le régime de Vichy sur ce point, arguant d'une supposée ou réelle immunité ou d'une allergie locale, non française, à cette idéologie d'importation fasciste. Mais des chercheurs étrangers, alors je pense à l'israélien Siv Sternel, au contraire démontrent que non seulement on trouve des idées pré-fascistes en France dès la fin du 19e siècle, et ce émanant de grands noms comme Barès par exemple, mais serait même à la base du fascisme italien et du nazisme allemand. Bref, Noéline Castagnier, en clair, la France en 1934 était-elle fasciste ou pré-fasciste? Bien, alors c'est effectivement une très longue controverse. René Raymond a publié son premier ouvrage, La droite en France, qu'il a ensuite retraduit sous Les droites, donc ça datait de 54. Tous les élèves de Sciences Po l'ont vu obligatoirement. Et c'est Serge Bernstein, son élève, qui a développé cette idée d'une France des années 30 allergique au fascisme en réaction justement à l'ouvrage de Sternel au début des années 80. La France était-elle fasciste en 1934? Présentée ainsi, on peut encore répondre non. En revanche, bien évidemment, les ligues sont pour certaines d'entre elles fascisantes. Hein, certaines sont même financées comme le francisme de Marcel Bucard directement par l'Italie, hein, fasciste. Il faut se garder quand même d'une vision téléologique, hein, c'est-à-dire de penser qu'inéluctablement, finalement, Vichy serait venu, même si la défaite n'avait pas eu lieu. Voilà. Donc, ce qui est important, sans doute, c'est ce 6 février 34, c'est l'impact symbolique que cela a eu. Vous l'avez dit vous-même, d'abord des morts, 31 morts, hein, 1400 blessés. En fait, la seule manifestation comparable plus tard, c'est sans doute celle du 8 février 62 à Charonne. Oui. Et puis, par rapport au passé, c'est la première fois, vous l'avez dit, que depuis 1875, le gouvernement se démet devant la violence de la rue. Donc, il y a une portée symbolique très grande. Maintenant, coup d'État, non, bien évidemment non, puisqu'il n'y avait pas de programme prévu pour réellement prendre le pouvoir et instaurer quelque chose derrière. Est-ce que ces idées-là, les idées d'extrême droite, on pourrait dire que c'était des idées à la mode à cette époque, en tout cas qu'elles trouvaient beaucoup d'écho. Est-ce qu'il y avait le sentiment chez certains qui pouvaient partager ces idées-là que c'était des idées nouvelles, régénératrices, en tout regardant du côté de Mussolini, du côté d'Hitler, et puis après du côté de Franco? Tout à fait. Alors ça c'est certain. Et je dirais d'ailleurs que la dissolution des ligues, puisqu'à la suite de cette affaire, comme vous le savez, les ligues sont dissoutes hein, en septembre 36, lorsque le Front populaire prend le pouvoir, le Parti social français du colonel de Larocque devient un authentique parti de masse qui fait très peur. Et on se demande d'ailleurs s'il ne va pas remporter les élections du printemps 1940. Donc c'est même plus que de la mode. Hein. Il y a réellement une fascisation d'une partie de la société française et notamment des anciens combattants. Mais votre reportage le montrait fort bien, ces anciens combattants sont partagés. Il y en a beaucoup aussi du côté de la RAC, hein, c'est-à-dire de ceux qui sont communistes et qui sont au contraire très antifascistes et pacifistes. Donc c'est une société extrêmement divisée. Ce qui finalement va se retrouver avec ce que d'aucuns n'ont pas hésité à appeler la guerre franco-française pendant l'occupation. Les anciens combattants, donc nous on parle évidemment de ceux qui ont fait la première guerre mondiale, elle est relativement récente, hein. C'est une force politique, les anciens combattants en tant que tels. Eh bien, vous savez qu'il y a eu une thèse célèbre d'Antoine Pro, hein, qui a montré que les anciens combattants irriguent la société, se politise, hein, mais pas forcément avec les mêmes forces. Hein. On en trouve donc dans la droite nationaliste, voire l'extrême droite, et on en trouve du côté des communistes. Mais oui, ils jouent un rôle absolument majeur. Ils sont extrêmement nombreux. Ils n'ont pas, au-delà de la défense de leurs propres intérêts, bien évidemment, d'anciens combattants. Ils jouent un rôle dans la société, c'est certain. Et ils ont un poids, mais pas tous dans le même sens. Qu'avez-vous dit, ça va revenir à ce que vous m'avez dit, comme l'un des éléments d'explication à la première question, vous me parliez de Vichy, et vous disiez que sans la défaite militaire, Vichy serait quand même arrivé au pouvoir ou ne serait pas arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Alors, ce que je vous disais, on pourrait faire une histoire contrefactuelle, n'est-ce pas? C'est très à la mode. Est-ce que Vichy serait arrivé au pouvoir sans la défaite? C'est bien difficile d'y répondre. Il est certain que, à la fin du Front populaire, au printemps 1938, quand le gouvernement Daladier prend le pouvoir, il y a une restauration qui ressemble un petit peu au retour d'un ordre moral. Il y a un événement qu'on a tendance à oublier, qui est la grande grève de novembre 38, où Daladier réprime de manière extrêmement féroce le Parti communiste français. Et d'aucuns ont pu y voir un retour à un régime très autoritaire. Alors tout au long du mois de janvier 34, juste avant les émeutes, le thème de la corruption républicaine devient le point de départ, la motivation de tous ces assauts anti-parlementaristes contre la classe politique. Est-ce que c'est toujours le ressort de l'extrême droite, quelles que soient les époques d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui nous le tous pourri? Oui, je pense que c'est un argument très facile, mais qu'on ne trouve pas qu'à l'extrême droite, d'ailleurs qu'on trouve aussi à l'extrême gauche, oui, la critique du ventru. Le ventru, c'est ce gros parlementaire qui se goberge sur les classes populaires ou les classes moyennes, bien évidemment. Et cette théorie anti-parlementaire, on la retrouve. C'est le rejet de la démocratie représentative que l'on a retrouvé avec les Gilets jaunes, bien évidemment, cette volonté de revenir à une démocratie directe, alors sous quelle forme on ne sait pas toujours très bien, parce que ce qui est très marquant, et votre reportage le montrait très bien, c'est que c'est quand même très hétéroclite, cette manifestation du 6 février 34. Voilà, le fascisme est très... Si fascisme il y a, il est très hétérogène, de même que les mouvements populistes le sont toujours. Donc on est d'accord, les idées fascistes ont le vent en poupe à l'époque, mais la France n'est pas l'Italie, la France n'est pas l'Allemagne de cette époque-là. On est bien d'accord, on est un modèle différent. Alors, notamment, le modèle différent va venir du Parti communiste, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que en Allemagne, le KPD, le Parti spartakiste, le Parti communiste et le Parti socialiste sont absolument incapables de faire front face à Hitler, qui du coup arrive premier aux élections législatives de novembre 32. La répression très féroce de la révolution spartakiste en Allemagne en janvier 19 a créé un fossé absolument irrémédiable. Et vous l'avez dit, le Comintern change de stratégie, et finalement le Parti communiste français devient le bon élève, celui qui va défendre une action commune, l'unité d'action entre l'ASFIO, donc ces socialistes qui étaient jusque-là des socio-traîtres, et qui deviennent désormais des alliés avec lesquels on peut s'entendre. En fait, d'ailleurs, les travaux, alors il y a eu beaucoup de travaux depuis, montrent que c'est souvent à la base, d'ailleurs, que cette volonté d'unité d'action se fait plus rapidement qu'au sommet. Sous l'œil de Staline, j'imagine, qui voit quand bien même sûr quelque chose d'important d'un point de vue géostratégique, que la France ne verse pas du même côté que l'Allemagne. L'Italie, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. On tire les leçons de janvier 32, de novembre 32, janvier 33 en Allemagne. On se retrouve dans 3 minutes, Noéline Castagnier, après avoir écouté Gaëtan Roussel qui chante Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour, salou, dans une file, dans les rues, sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme sale jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. La tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, le 6 février 1934, dont nous parlons avec l'historienne Noéline Castagnier. On va écouter, si vous voulez bien, une archive qui date du 2 décembre 2018 dans l'émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture. C'est le sociologue Mathieu Boccoté, spécialiste de sociologie politique, qui parle. Genre, comparaison n'est pas forcément raison. Je trouve que c'est une manière assez agaçante de transformer le désaccord politique sous le signe du scandale moral. C'est-à-dire, tout désaccord substantiel devrait nous ramener aux années 30 d'une manière ou de l'autre, et on comprend très vite que dans cette espèce de jeu d'amalgame, on en arrive très rapidement à l'hitlérisation du désaccord. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, des phénomènes comme ce qu'on appelle plus ou moins habilement, à mon avis, plus ou moins justement la montée des populismes, le retour de la nation, le besoin de penser des identités substantielles, penser la crise migratoire qui nous frappe, devant tout cela, me semble-t-il qu'on a besoin d'appareil conceptuel neuf, ou à tout le moins de penser justement sans toujours dire « c'est l'éternel retour du même, c'est la figure du déjà-vu ». Bon, qu'en pensez-vous, Noéline Castagnier? C'est vrai que face aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, les problèmes contemporains, on aime aller chercher dans l'histoire. Après tout, c'est une démarche d'historien que de chercher les résonances de l'histoire sur l'actualité, mais pas forcément pour tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est effectivement une démarche de l'historien, mais en général, l'historien sait que on ne peut pas tirer les leçons de l'histoire, hein, par contre. Donc, eh ben, écoutez, moi, j'avoue que je partage totalement le point de vue du sociologue en question, parce que même si les ligues fascistes des années 30, on peut trouver effectivement des points communs avec ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles formes de populisme, on peut pas considérer que le contexte est le même. Alors bien sûr, il y a une crise économique, il y a en plus maintenant la crise du Covid, hein, qui est postérieure à notre affaire de gilets jaunes, mais le monde n'est pas construit de la même manière, il existe l'Union européenne qui n'existait pas, enfin, il y a énormément d'éléments du contexte qui sont extrêmement différents, donc je suis assez d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux réfléchir à ce qu'est le populisme du 21e siècle que d'essayer de prédire ce qui va se passer en regardant ce qui s'est passé dans les années 30, même si vous avez, bien sûr, on sait, il y a un discours notamment qui consiste à dire il y a nous, il y a eux c'est la caste, c'est l'élite, l'oligarchie, le ventru, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Bon, ça c'est vrai que c'est des choses que l'on retrouve. Hein, ça traverse les époques, ça, j'imagine. Voilà. De toute façon, cette séparation entre les élites et le peuple, c'est au-delà des thématiques années 30 et d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui, les historiens, vous savez, ont de plus en plus tendance à travailler en transpériodicité, c'est-à-dire à ne pas s'en tenir seulement sur un siècle ou deux, mais même carrément à essayer de travailler en allant bien au-delà de leur propre période. Et ça permet un petit peu de résister à cette tentation, hein, de penser qu'il y a des cycles et que ça se répète. Alors moi, ce qui me frappe dans cette histoire, et ça va être la thématique que nous allons développer pendant une semaine, on est donc dans un contexte, on l'a dit, les idées d'extrême droite, fascisantes ou néo-fascisantes, ce que vous voulez, on le vend en poupe, et en France, alors en Italie, ils ont pris le pouvoir, en Allemagne, ils ont pris le pouvoir, et en France, on a comme une espèce d'esprit de résistance, parce que c'est un paradoxe incroyable, c'est que cette journée du 6 février va déboucher indirectement sur celle du 12 février, une manifestation qui réunit les socialistes et le Parti communiste français, ce qui va donner, peut-être même pas indirectement, mais directement, le Front populaire. Il y a un vrai paradoxe, montée des idées d'extrême droite, et deux ans plus tard, même pas deux ans plus tard, que dis-je, quelques mois plus tard, le front populaire. Expliquez-nous cela. Bah justement, je pense que il ne faut pas le penser en termes de paradoxe, veuillez m'excuser, mais en termes de réaction. C'est peut-être, oui. Voilà, en termes de réaction. Alors, coup d'État, bon, je vous l'ai dit, les historiens n'y croient pas, présence des idées fascistes indéniablement, mais ce qui est important, c'est que la gauche, elle, y a bel et bien cru. Et plus particulièrement, les socialistes, avec Léon Blum, vous avez donné un extrait de son fameux discours où il est tout essoufflé, là, au milieu du 12 février 34. On repassera demain, d'ailleurs. Demain, on fera le Front populaire. Voilà. Ils sont absolument convaincus qu'ils sont passés pas très loin du 28 octobre, 1922 en Italie. D'ailleurs, on pourrait commenter la marche sur Rome, qui est pas non plus des plus organisées. Oui. Bref. Mais et donc cette profonde croyance, et encore une fois, les travaux récents, il y a eu pas mal de thèses, de monographies, hein, d'histoires par en bas. La base de ces deux partis en sont convaincus, une partie des radicaux également. Et c'est comme ça que le 12 février, il va y avoir une action unitaire. Mais vous savez que ça s'est pas fait de manière très simple. Non, d'ailleurs, pardon, Noéline Cassadier, de vous dire ça. D'abord, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, et ce que vous alliez nous raconter, on va le raconter demain. Vous savez, parce que d'accord. C'est fait 1936. Voilà. Vous êtes dans la logique parfaite de notre émission. Merci infiniment, Noéline Cassadier. Mais je vous en prie. Pour ces éclairages apportés autour de cette journée du 6 février 34. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le 6 février 34, donc, un récit documentaire de Bertrand Rotet, qui nous a quittés le 2 novembre dernier, victime d'une maladie. C'était un homme d'une grande qualité, agrégé d'économie, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise, essayiste, romancier, réalisateur. Il était aussi un collaborateur de Marianne. Outre sa dimension intellectuelle, il était un collaborateur charmant, ouvert et disponible. Il nous avait envoyé il y a quelques semaines le travail que vous avez entendu aujourd'hui à l'antenne. Toutes les émissions de cette semaine, une série historique qu'il a ouverte avec son récit de cette journée de février 1934, lui sont évidemment dédiées.